avec les classiques du rock et de la pop. Émission que nous avons débuté ici avec AC/DC and Black and Black pour célébrer malheureusement le décès de nouveau d'un de ses membres, à savoir Malcolm Young. Nous avons appris la nouvelle via la page Facebook du groupe ce samedi. Le communiqué indiquait que c'est avec une profonde tristesse qu'AC/DC doit annoncer le décès de Malcolm Young, le cofondateur de la formation, avec son frère Angus. Il était âgé de 64 ans. Faisant preuve d'un dévouement et d'un engagement énorme, il aura été le moteur du groupe. Comme guitariste, compositeur et visionneur, il était un homme perfectionniste et unique, ajoute le communiqué qui salue la liberté totale de l'artiste au cours de sa carrière et sa grande fierté dans tout ce qu'il a entrepris. Toujours à AC/DC, You Shook Me All Night Long. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Et le décès donc du guitariste intervient quelques semaines à peine après la disparition de George le 23 octobre dernier, décès que nous avions évoqué sur cette même antenne. George était l'aîné des trois frères, mentor et producteur de plusieurs albums d'AC/DC. Et comme son frère, il est difficile d'exprimer par des mots ce que Malcolm a signifié pour moi durant ma vie. Le lien que nous avions était unique et très spécial. Il laisse derrière lui un énorme héritage qui survivra pour toujours. C'est ce qu'écrivait Angus Young sur la page Facebook. Les deux frères à la casquette, en effet, et aux cheveux longs, auront bouleversé l'histoire du rock'n'roll en créant AC/DC à Sydney en 1973. Ils sont quasiment les uniques auteurs et compositeurs des titres du groupe depuis une trentaine d'années, porte-étendard du hard rock par excellence ou du heavy metal selon certains. La formation a vendu plus de 200 millions de disques et compte parmi ses tubes les plus célèbres. Let There Be Rock, Wolota Rosie, Hell's Bells, Back in Black que nous avons écouté tout à l'heure, ou encore Highway to Hell qui leur apporta une reconnaissance mondiale dès 1979. Et le groupe est aujourd'hui considéré comme l'un des plus retentissants du rock en général, et Malcolm Young l'un de ses plus grands guitaristes rythmique. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir du groupe, s'ils poursuivront ou non leur activité, mais en attendant, nous avons toujours ces titres retentissants qui nous ont fait vibrer. Et voici pour la circonstance Wolota Rosie, un de mes préférés. I'm tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Ain't no fear to start it. Ain't no skin to fight. peut-être un des morceaux les plus fabuleux du groupe AC/DC, avec son fameux riff final de l'œuvre de Malcolm Young, qui est malheureusement décédé ce samedi. Et pour terminer cette brève et modeste évocation, rappelons-nous encore qu'en 2014, le musicien déclarait vouloir faire une pause musicale suite à des problèmes de santé, tout juste avant la sortie de l'album Rock or Bust, victime d'un accident vasculaire cérébral dans le passé. Il souffrait depuis quelques années de démence et il a été remplacé. Il était remplacé au sein du groupe par son neveu Stevie, le fils de Steven, l'aîné de la fratrie, qui imite à merveille le style de son oncle et joue du même instrument, une Gretsch Jetfire Bird de 1963. Bref, la relève est assurée. Très bien, Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. C'est une machine à explorer le temps. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Living in the past. La machine à remonter le temps. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venu l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Let's go. Yeah. ce morceau-là dans une soirée des années 80. C'est l'ambiance assurée. C'était les Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love pour entamer notre programme tel que je l'avais conçu avant l'annonce du décès de Malcolm Young. On reste maintenant dans les années 80 avec B-52s and Love Shack, extrait de l'album Coming Think. Ambiance ce matin. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the Love Shack, yeah. I'm heading down the Atlanta highway, looking for the love getaway, headed for the Voilà deux titres qui ont assurément le don de nous mettre de bonne humeur en ce début de semaine, malgré un temps tout à fait maussade et pluvieux qui nous est annoncé par les spécialistes de la météo. Il y avait d'abord les Blues Brothers avec leur célèbre Everybody Needs Somebody to Love et poursuivre les B-52s Love Shake. Nous débutons donc une nouvelle semaine qui sera marquée sous l'angle du tennis. Si vous êtes branché tennis, bien vous assisterez peut-être dès vendredi à la finale de la Coupe Davis qui va opposer dans une lutte fratricide français et belge au stade ici tout près, au stade de Villeneuve-d'Ascq, alors que les meilleurs gagnent. Nous débutons cette émission, enfin notre première rubrique de l'émission avec notre traditionnelle séquence anniversaire. Et nous nous retrouvons le 20 novembre 1955. La chanson qui a changé le visage de l'histoire de la musique populaire, à savoir Rock Around the Clock de Bill Haley et des Comets, est en effet numéro 1 en Angleterre. Et cette chanson entrera alors à 6 reprises dans le classement jusqu'en 1974. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Voilà Bill Haley en 1955 avec Rock Around the Clock, et le 20 novembre 1971, Isaac Hayes devient lui aussi numéro 1 des singles avec le thème Shaft pour ce titre. Il gagnera également l'award de la musique BO de film. We'll be right back. inside a dick. That's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Chef. Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Well, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Fabuleuse bande originale du film Chef, c'était ce morceau Dice Case de 1971. Je tiens d'abord à m'excuser aussi pour d'avoir dû interrompre de manière un peu brutale la communication avec un fidèle auditeur que je remercie ici à l'antenne. Il se reconnaîtra. Partons maintenant 3 ans plus tard, en 1974, toujours un 20 novembre, et on retrouve Keith Moon, le batteur des Who, qui malheureusement ce soir-là, durant un concert, s'effondre. Le verre qu'il venait de boire était en effet bourré de tranquillisants pour chevaux, imaginez. C'est un jeune spectateur de 19 ans, Scott Halpin, qui ce soir-là s'est porté volontaire pour le remplacer. Voici maintenant un extrait de Quadrifonia, Love Over Rain, Love Over Me. Only love can Et le 20 novembre 1991, ce sont les Rolling Stones qui signaient un contrat de 23 millions d'euros avec Virgin Records pour réaliser 3 albums en 6 ans, dont Voodoo Lounge, dont nous allons écouter maintenant un extrait, You Got Me Rocking, après ce petit message. Living in the past. Mad in rap. De Voodoo Lounge, You Got Me Rocking the Rolling Stones. Et le 20 novembre 2008, Thom Yorke, le leader de Radiohead, dressait le bilan de la vente de leur dernier album intitulé In Rainbows. Souvenez-vous, cet album avait été proposé en téléchargement et les acheteurs avaient la possibilité de donner ce qu'ils voulaient. 60% des acheteurs n'ont pas déboursé un centime pour obtenir l'album, mais Yorke reconnaissait l'intérêt de la manœuvre pour les 40 autres %. En effet, l'argent n'avait pas transité par des intermédiaires, a-t-il dit. Et on retrouve Radiohead dans un extrait de cet album In Rainbows. Il s'agit de Weird Fishes Arpeggi. Cet album était sorti en 2007. We'll be right back. C'est aussi un peu de rock alternatif qui passe sur les ondes d'RQC avec Radiohead et un extrait de leur album In Rainbows de 2007. Il s'agissait ici de Weird Fishes and Arpeggi. Et à bientôt 10h moins 5, il est temps de célébrer, entre guillemets, l'anniversaire d'une série d'artistes, à commencer par Joe Walsh, un chanteur, compositeur, guitariste américain qui a notamment fait partie des Eagles. Il est né en 1947 à Wichita. Il y a aussi Norman Greenbow, qui est né en 1942 à Malden, dans le Massachusetts, si je peux le dire. On se souvient notamment de lui avec ce superbe Spirit in the Sky, qui nous rappelle que de bons souvenirs. Il y a aussi Paul King, qui est né en 1960 à Galway, en Irlande. Ce musicien, producteur, présentateur de télé, a notamment connu le succès dans les années 80 avec un titre Love and Pride. Et pour terminer, Duane Allman, qui est né en 1946 et qui a été le guitariste des Allman Brothers Band, guitariste et cofondateur de ce célèbre groupe de rock sudiste. Il avait auparavant joué aux côtés de vedettes soul comme Wilson Pickett, King Curtis ou encore Aretha Franklin. Malheureusement, il nous a quittés beaucoup, beaucoup trop tôt. En effet, il est décédé tragiquement en 1971. Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Voici Joe Walsh, Rocky Mountain Way. We'll be right back. On poursuit dans la même veine avec les Allman Brothers, la même année 1973, Ramblin' Man. De mon temps libre. Eh, t'es bien tombé, pile sur RQC. Passionné,

ce titre Love Pride de King 1984 clôturait notre séquence anniversaire du jour. Il est à 10h13 à l'horloge d'RQC. Temps maintenant de démarrer notre seconde séquence, le rock made in France. Living in the past. Du rock made in France. Oublie-moi, je ne suis pas un garçon fait pour toi. Et si jamais ton cœur s'attache à moi, tu souffriras. Oh, oublie-moi. Pour un baiser que nous avons cueilli, je n'ai pas le droit de gâcher ta vie. C'est une folie. Moi, tu le sais, je m'en vais au hasard. Je ne connais que des rêves d'un soir. Le lendemain, sans savoir où je vais, je reprends ma liberté. Oublie-moi, je ne veux pas devoir pleurer demain pour un amour qui ne te promet rien. J'ai du chagrin, oublie-moi. Je t'ai blessé en te parlant ainsi. Pourtant un jour tu me diras mais oui, un grand merci. Ne me dis pas que ton cœur est brisé. Sèche tes pleurs et puis viens m'embrasser. Je ne veux pas qu'un beau jour toi tu souffres pour moi. Ouais, oublie-moi. Je ne veux pas qu'un beau jour toi tu souffres pour moi. Ouais, oublie-moi. Je m'en vais au hasard. Je ne connais que des rêves d'un soir. Le lendemain, sans savoir où je vais, je reprends ma liberté. Oublie-moi, je ne veux pas te voir pleurer demain pour un amour qui ne te promet rien que du chagrin. Oublie-moi, je t'ai blessé en te parlant ainsi. Pourtant un jour tu me diras mais oui. Ah, un grand merci. Ne me dis pas que ton cœur est brisé. Sèche tes pleurs et viens m'embrasser. Je ne veux pas qu'un beau jour toi tu souffres pour moi. Ouais, oublie-moi. Je ne veux pas qu'un beau jour toi tu souffres pour moi. Ouais, oublie-moi. Ouais, oublie-moi. Ouais, oublie-moi. Ouais, oublie-moi. Pour cette séquence, le rock made in France, aujourd'hui nous allons évoquer la deuxième partie de l'histoire des Chaussettes Noires. Nous avions laissé le groupe d'Eddie Mitchell la semaine dernière en évoquant les premières fêlures du groupe, le départ au service militaire d'Eddie Mitchell. Son premier enregistrement solo, et puis ça continue. Un autre membre, Tony Darpa, est à son tour incorporé dans l'armée. Mais néanmoins, le groupe continue à enregistrer. Enregistrer d'abord un 45 tours tiré de la musique d'un film de Michel Boiron, Comment réussir en amour. Et puis des titres comme Ça ne peut plus durer, Oublie-moi que nous venons d'écouter, et Parce que tu sais, figureront quant à eux sur un album 25 cm, on dirait maintenant un IP, qui comprend en principe 4 titres. On en écoute 2 autres qui figurent donc sur cet album, Parce que tu sais, et Ça ne peut plus durer comme ça, si vous le dites. Parce que tu sais combien je t'aime, tu te joues de moi comme d'un enfant. Tu n'as de cœur que pour toi-même et me fais souffrir bien souvent. Tu n'as pas pitié de ce pauvre fou qui voudrait tant te donner. Malgré moi, j'accepte tout pour avoir enfin le droit de t'aimer. Parce que tu sais que ma vie même ne serait plus rien si tu me quittais. Parce que tu sais combien je t'aime, tu te moques bien de mon pauvre cœur blessé. Parce que tu sais que rien au monde ne m'empêchera de te pardonner. Fais de moi l'eau qui gronde, mais qu'un seul regard peut briser. Toi pour qui mes nuits pleurent de douleur, toutes mes joies sont meurtries. Garde-moi dans ta chaleur pour chasser la peur qui ronge ma vie. Parce que mon cœur sera le même au-delà du temps qui s'effacera. Parce que tu sais combien je t'aime, donne-moi l'amour que j'attends en vain de toi. Parce que tu sais, parce que tu sais combien je t'aime. Ça ne peut plus durer comme ça. Dès que tu es loin de moi, tu dévores mes pensées. Et puis je traîne abandonné comme un chien perdu sans collier. Ça ne peut plus durer comme ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive là. Je délaisse mes amis. Je n'aime plus sortir la nuit. Et sans toi partout je m'ennuie. Bien souvent j'ai rêvé de te prendre au creux de mes bras, de te dire des mots tendres tout bas, tout bas, tout bas. Oui, mais voilà, ça ne peut plus durer comme ça. Dès que tu es près de moi, je n'ose plus t'approcher, de peur de t'effaroucher et de te perdre à tout jamais. J'ai rêvé de te prendre au creux de mes bras, de te dire des mots tendres tout bas, tout bas. Oui, mais voilà, ça ne peut plus durer comme ça. Dès que tu es près de moi, je n'ose plus t'approcher, de peur de t'effaroucher et de te perdre à tout jamais. Ça ne peut plus durer comme ça. À la fin 1962, c'est toujours la déferlante rock'n'roll en France, avec notamment les Chaussettes Noires. Et pourtant, de premières dissensions apparaissent au sein du groupe. Eddie Mitchell enregistre à nouveau en solo un 45 tours avec Reviens-moi et Bebop Lula 63. Et en 63, c'est quelques mois seulement après un ultime rendez-vous pour le groupe au complet au Palais des Sports. En effet, cette année-là coïncide également avec le départ de Michel Picard, qui laissera sa place à un autre Michel Gaucher, un ex-membre d'une autre formation, beaucoup moins connu, Glenn Jack and the Grainers. Quant à Tony Darpa, il sera lui aussi remplacé par le frère de William Benaim, Paul. L'occasion pour le groupe recomposé de revenir aux sources et aux fondamentaux et à leur idole, Jane Vincent, avec des reprises comme Il revient, Jezebel et Ceci est mon histoire. Voici tout d'abord Jezebel. Qui brûle mon cœur, cet ange qui séchait mes pleurs, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jezebel, c'était toi, c'était toi, Jezebel. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie. Écrasant, tu dis non, emportant mon cœur, Jezebel. Mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jezebel, où es-tu, Jezebel? Séchais mes pleurs, c'était toi, Jezebel, c'était toi, Jezebel, c'était toi, c'était toi, Jezebel. Ceci est mon histoire, sans souci, sans ennui. Je n'avais pas compris, lorsque j'étais petit, que c'est avec l'âge que l'on peut grandir. Et j'attendais bien sage. Ceci est mon histoire, sans souci, sans ennui, avec mes amis. Tout au long des nuits, nous sentions des balades, grâce à nos guitares. Ceci est mon histoire, sans souci, sans ennui. Mais ma vie a changé parce que j'ai vu l'amour. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse venir un jour. L'avenir parfois nous joue des tours. Aussi profiter du bon temps de l'amour. Car ma vie ressemblait à d'éternelles vacances. C'est pourquoi je chante. Ceci est mon histoire, sans souci, sans ennui. Ceci est mon histoire, sans souci, sans ennui. Ceci est mon histoire, et aujourd'hui c'est l'histoire des chaussettes noires que nous vous relatons, la deuxième partie. Et l'ambiance au sein du groupe n'est plus tout à fait au beau fixe, et même si les débuts en solo d'Eddie Mitchell furent assez timides, celui-ci reste déterminé à poursuivre dans cette voie, et c'est finalement fin 1963 qu'il quittera officiellement les Chaussettes Noires. Et c'est donc sans lui que le groupe sortira Ni ton fil, ni ton aiguille et Oh Eddie en 1964, laissant désemparer leurs milliers de fans qui se rueront sur une réédition des Chaussettes Noires Story qui sortira quant à elle 8 années plus tard. Ni ton fil, ni ton aiguille. Cette fille est bien trop fière pour rêver de m'épouser. Sa main de couturière à mon ami l'a donnée. Maintenant que fera-t-elle du matin jusqu'à la nuit? Un jabot de dentelle pour offrir à son d'argent. C'est avec ce petit clin d'œil qu'adressent les membres des Chaussettes Noires à leur ancien leader Eddie Mitchell que nous clôturons cette petite saga et par la même occasion notre rubrique Le Rock Made in France, même si pour la séquence suivante nous resterons dans l'Hexagone avec quelques morceaux et groupes de musique progressive. L'heure est venue en effet d'évoquer l'histoire de la musique progressive. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Et pour cette séquence le rock progressive, on se retrouve au début des années 70 et avec des groupes qui s'appuient sur le courant de la musique progressive. Aux États-Unis, il y aura notamment des groupes comme très connus comme Foreigner, Kansas ou encore Boston qui diffusent un style de musique plus grand public. Quand en Grande-Bretagne, il y a des groupes comme Electric Light Orchestra ou Supertramp qui diffusent une pop mélodieuse et traditionnelle aux arrangements sophistiqués. Mais hélas, avant même le milieu des années 70, la musique progressive sera victime de son succès. Née dans des salles de dimensions modestes où le public participait à l'expérience vécue par les musiciens, elle se transformera très vite en théâtre sans âme, dans des stades où l'expérimentation se dévoie en spectacle pompeux, mettant en scène des musiciens transformés en vaines idoles, au milieu d'une débauche de matériel et d'éclairage sophistiqué. Et c'est Robert Fripp, le fondateur et l'âme de King Crimson, qui sera le premier à prendre conscience de l'impasse artistique dans laquelle le genre se trouve alors acculé à force de démesure. Et son groupe sera dissous en 1974. Quant à Peter Gabriel, il suivra lui aussi la même voie en quittant Genesis un an plus tard, en 1975. 1975, c'est l'émergence du punk rock et un besoin de légèreté qui apparaît aussi avec la vague disco à partir de 1976. Et ces courants auront malheureusement raison de la musique progressive. À la fin des années 70, la plupart des grands groupes du genre sont soit séparés provisoirement, comme King Crimson, viens de le mentionner, mais il y a aussi Van der Graaf Generator et Emerson, Lake & Palmer. D'autres se sont considérablement éloignés des expérimentations du genre et s'enferment dans des formules différentes. On pense notamment à Genesis, Yes, ou encore même Pink Floyd. En France, il y a aussi un courant qui est imprégné par la musique progressive. Et la formation la plus populaire s'appelle Ange. Elle a un répertoire et une attitude scénique très théâtrale. Qui rappelle évidemment Genesis, mais la plus intéressante et la plus radicale et sans conteste, Magma. Cette formation est d'ailleurs à l'origine du genre musical baptisé Zeul, mélangeant le rock, le jazz d'avant-garde et le chant choral. Alors, ce groupe a été fondé par le batteur Christian Vander, qui fut aussi par la même occasion créateur d'un langage spécifique à l'usage exclusif du groupe, le Cobain, ce remarquable vivier de musiciens d'exception. Il y avait Yannick Top, Klaus Blaskies et Bernard Pagnotti, qui s'inspiraient librement du free jazz et de la musique contemporaine, connaîtra un vrai succès d'estime à l'étranger, en particulier au Japon, c'est un peu surprenant, tout en donnant naissance à un courant musical spécifique, le Zeul. Et en 1973, la formation acquiert une renommée internationale avec la création de son œuvre majeure, la trilogie Teus am Tag. Il s'agit d'une trilogie symphonique et, comme la majorité des albums du groupe, Mécanique Destructive Commando est une histoire chantée en cobayant, un langage inventé. Et que nous raconte cette histoire ? Eh bien, cette histoire nous explique que la vision de Christian Vander sur le futur chaotique de la Terre, l'histoire du prophète cobayen Neber Gudat, nous donne un avertissement en ce qui concerne l'humanité. En bref, si le peuple de la Terre veut être sauvé, il doit faire l'effort nécessaire pour accueillir la sagesse, afin d'être accepté pour partir se réfugier sur la planète Kobaya. En effet, les humains s'entretuent, ils fabriquent de la misère, des guerres et de la pollution. Déjà, on en parlait. Et les gouvernements de la Terre ont conditionné les hommes depuis la nuit des temps. Les dirigeants écrasent leur propre peuple et les révoltes assassinent. En fait, les terriens détruisent tout ce qu'ils ne connaissent pas. Voici pour illustrer mon propos un petit extrait court quand même, parce que la musique est assez complexe. Cet extrait s'intitule « Krön Korman is de Udin ». Excusez la prononciation. Voici Magma en 1973, extrait de l'album « Mécanique Destructive Commando ». Sous les verres d'enfer et chaud, sous les verres d'enfer. D'abord, il y a l'aîné, vu qu'il est comme un melon, vu qu'il a un gros nez, vu qu'il sait plus son nom, cieux, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qu'il fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, puis qui balbutie qu'à l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, non, on ne pense pas. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, que jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qu'a marié la Denise, une fille de la ville enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit menton, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche. Au matin, sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade. Il regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands, ça fait des grands. Et puis il y a la toute vieille qu'on finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève. C'est elle qu'a l'oseille, qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Vous avez bien sûr reconnu le groupe Ange et le morceau avec lequel il a été reconnu par le grand public, connu et reconnu, et qu'il est devenu populaire. Ces gens-là, qui n'est autre bien entendu qu'une reprise de Jacques Brel, dont nous fêtons ces jours-ci le 40e anniversaire de la disparition. C'est avec ce titre que nous avons clôturé notre séquence relative à l'histoire de l'âge d'or de la musique progressive. place maintenant à notre album du jour. Il s'agit, dans un registre beaucoup plus léger, il s'agit d'un album de 1987 de George Michael, dont on va bientôt malheureusement fêter le premier anniversaire du décès. Cet album est sorti à la fin du mois d'octobre 1987. C'est le premier album solo de George Michael et celui-ci deviendra cultissime. À la fin 1987, George Michael, le génie créateur du duo de boys band avant l'heure Wham, s'émancipe et sort ce premier album solo, à la pochette aussi virile que sexy. Et dans le premier titre, Faith, le chanteur effectue un virage à 180 degrés sur son style habituel, avec un morceau acoustique inspiré par le rock'n'roll et une image toujours sexy, mais beaucoup plus virile, avec jean moulant, délavé, perfecto, Santiago's, barbe et lunettes de soleil. Le message est clair, Michael n'est plus un miné, mais un homme dans la force de l'âge, désireux de s'affirmer individuellement. Nous le retrouvons avec ce titre « Face ». Voilà, c'était Face, la plage titulaire de l'album qui est aujourd'hui celui que j'ai choisi pour notre rubrique l'album du jour. Il en a écrit presque tous les morceaux et il en a supervisé les arrangements et la production. Un seul titre n'est pas de lui, il s'agit de Look at Your Hands qu'il co-signera avec David Austin. Living in the Past, l'album du jour. Look at your hands, George Michael, extrait de son album Face de 1987 que nous passons aujourd'hui en revue. Et pour annoncer la sortie de ce premier album, le chanteur britannique sortira le sulfureux I Want Your Sex en juin 1987. Et immédiatement, ce titre scandalisera l'opinion publique. Sa vidéo provocante sera même interdite sur plusieurs chaînes, dont MTV. En réalité, quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'il s'agit pourtant d'un plaidoyer pour la monogamie aux paroles plutôt sages. Living in the past. De la pop en stock. I Want Your Sex, George Michael, extrait de l'album Face de 1987. Attention, on en a pour plus de 9 minutes. Yeah. Ça groove pas mal sur les ondes d'RQC ce matin avec ce titre I Want Your Sex, extrait de l'album de George Michael, Face, que nous revisitons aujourd'hui dans le cadre de notre séquence, l'album du jour. Et pour en revenir à la création de cet album, sachez encore que, pardon, les sessions d'enregistrement se dérouleront au Danemark, dans le Jutland et à Londres. Et George Michael y a enregistré ses titres totalement en mode numérique. Comme musicien, il a retrouvé de vieilles connaissances, le légendaire bassiste de Marvin Gaye et de Wham, Deon Estus. Il recrutera des claviéristes Chris Cameron et Betsy Cook, ainsi que le guitariste Hugh Burns, qui était déjà présent sur Careless Whisper. Pour le titre Father Figure, il propose à nouveau un texte suggestif sur l'amour physique et la sensualité. Les paroles sont introspectives et à double sens. Le clip vidéo accentuera d'ailleurs cette ambiguïté. En effet, George Michael y apparaît en blouson de cuir, lunettes de soleil et barbe de 3 jours. Mais cette fois, il y joue un chauffeur de taxi qui prend un mannequin comme passagère. Leur troublante relation peut être perçue comme réelle ou imaginaire. Il faut savoir que depuis son adolescence, Gergios Kyriakos Panagiotou, c'est son nom, né d'un papa restaurateur chypriote et d'une maman danseuse anglaise, se comporte et s'affiche comme bisexuel. Et ce n'est que bien plus tard, durant les années 90, qu'il assumera pleinement son homosexualité et qu'il le reconnaîtra d'ailleurs en public. Mais revenons à ce titre « Father Figure » que je vais vous proposer maintenant. Et c'est un titre auquel il a voulu d'abord donner un rythme dance, et puis au final, il nous laissera une ballade pop-rock rhythm and blues qui laisse la part belle à sa superbe voix. ...11h12 sur les ondes d'RQC. That's all I want to hear. Quand il ne chante pas l'amour, comme encore dans le sublime Kissing a Fool, George Michael prend parti, comme en témoigne Hand to Move, un titre dans lequel il critique ouvertement la politique conservatrice du président de l'époque, à savoir Ronald Reagan. À noter que John Baez, la chantre de la contestation des années 60-70, reprendra d'ailleurs ce titre. Mais voici tout d'abord Kissing a Fool. Make a lover feel a fool, but you, I love. star. You listen to people who scared you to death. And from my heart, it's strange that I was wrong enough to think you'd love me too. Guess you were kissing a fool. You must have been kissing. Thank you. Hand to Mouth, c'est le titre dans lequel George Michael critique ouvertement la politique du président des États-Unis, Ronald Reagan. Et pour en terminer avec cet album plus politiquement correct, voici One More Try, qui est une ballade langoureuse, mais surtout un slow mortel porté par une voix exceptionnelle qui aide à beaucoup de teenagers à se donner du courage dans les booms des années 60. I'm loving you. Living in the Past. Le rock en ballade. Goodbye, goodbye. side. Maybe just one more try. À 11h34, nous venons de clôturer à la fois cette rubrique consacrée à l'album Face de George Michael, album de 1987, mais nous venons aussi de mettre un terme à ce nouveau numéro de votre émission fétiche du lundi matin, Living in the Past, comme d'habitude. Nous avons encore un peu empiété sur l'horaire. C'est vrai que j'ai dû composer un programme un peu différent avec le décès totalement inattendu de Malcolm Young d'AC/DC. Et comme d'habitude, nous n'allons pas nous quitter comme cela. Je vous propose de mettre un terme à cette émission avec un peu de métal et le groupe Chakra. Non sans vous avoir au préalable souhaité de passer une excellente semaine qui, comme je l'ai signalé en introduction, sera ici dans la région marquée par la rencontre de finale de Coupe Davis pour laquelle Villeneuve-d'Ascq a été choisi, c'est-à-dire tout près de chez nous. Le groupe Chakra, que dire à son propos ? C'est un extrait de leur album de 2003, Rising, que je vous propose. Et dans le dictionnaire, ce terme chakra veut dire insurrection, soulèvement. Pardon, pas le terme chakra, mais rising veut dire insurrection, soulèvement. Au premier abord, on s'est très vite aperçu que cet album avait été composé avec les mêmes ingrédients, le même son que les précédents. Alors, même si cet opus n'a pas révolutionné le genre, et si vous avez aimé le son lourd des précédents albums de ce groupe de métal suisse, vous avez sûrement également apprécié ce Rising. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine sur les ondes d'RQC, bien sûr. Living in the Past. Tout en métal. Rising high up to the sky. Fly. Living in the Past. Le meilleur du classique. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic patriotic.